Histoire vivante vous parle de Biélorussie toute cette semaine, la dernière dictature d'Europe. C'est tout de suite et jusqu'à 14h. Jean Leclerc vous propose en nouvelle diffusion Histoire vivante. Finalement, ça servait à quoi d'avoir les libertés? C'est juste pour avoir plus de saucissons? Batka, le petit père. C'est comme cela que les Biélorusses surnomment Alexandre Loukachenko. Pour eux, des notions comme la liberté ou les droits de l'homme ne veulent rien dire. Ce qui leur importe, c'est l'ordre, le contrôle. Cette semaine, la Biélorussie. C'est vrai, c'est merveilleux, on dirait la Suisse. Théâtre et dépendance. Le Biélorussin, du point de vue de Moscou, est un paysan. Un pouvoir indéboulonnable. Élu président, il a fait adopter par référendum une nouvelle constitution, histoire de prolonger son mandat et d'élargir ses pouvoirs. Des milliers de personnes ont dénoncé ce dimanche la taxe dite sur les parasites. Toute la fin du 19e siècle a été terriblement violente sur ce territoire. Dans chaque commissariat, il y a un bourreau, un sadique local qui traite violemment les gens qu'on arrête. Comme on dit souvent ici, j'aimerais vivre dans la Biélorussie qu'ils montrent à la télé et pas dans celle du monde réel. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Virginie Simaniak. Je suis éditrice aujourd'hui. Je dirige et j'ai fondé une maison d'édition qui s'appelle Le Ver à Soie. Mais je suis, semble-t-il, encore, peut-être, une des rares spécialistes en France de la Biélorussie, puisque ma formation, pendant une quinzaine d'années, a consisté à étudier ce pays en particulier. Et pourquoi ce pays en particulier? Alors mon papa est né dans cette région. Ça crée des liens. À une époque où l'endroit où il est né ne s'appelait peut-être pas la Biélorussie d'ailleurs, c'était peut-être plutôt la Pologne orientale. Enfin, lui a dû changer 4 ou 5 fois de nationalité entre l'âge de 0 et 5 ans, je pense. Voilà. Et puis mes grands-parents, du fait de la Seconde Guerre mondiale, ont immigré en France. Et voilà, les choses ont fait que je suis né ici. Mais ça, pour votre papa, ça a toute la caractéristique du voyageur immobile, c'est-à-dire qu'on peut rester sur place et changer de passeport à volonté. Absolument, tout dépend effectivement des armées qui arrivent. Au gré de l'histoire. Au gré de l'histoire, absolument. Donc ça fait partie de mes préoccupations, des choses qui me taraudent, le passage des frontières, les seuils, voilà, le mouvement, le déplacement, ce qui se passe quand on bouge, ce qu'on crée quand on bouge. J'en ai fait une ligne éditoriale pour ma propre maison d'édition, en fait. Vous consacrant essentiellement, principalement désormais à la fiction. À la fiction, et pas spécialement à la Biélorussie, alors qu'on aurait pu s'attendre effectivement à ce que, dans le cadre de ma propre maison, je continue à travailler sur ce pays. J'entends le faire, je vais le faire, puisqu'il y a des projets de publication sur ce pays qui sont en cours, et des traductions qui sont en cours, aidées d'ailleurs par le Centre National du Livre en France, mais j'entends le faire autrement, c'est-à-dire que j'ai été beaucoup confrontée à l'histoire, beaucoup confronté au réel. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser beaucoup plus à la fiction, à ce que nous disent les textes, comment on parle d'une réalité via le fait littéraire. Parfois, il me semble que les auteurs de fiction mentent moins que les chercheurs. Alors, vous n'allez pas vous contenter de cette formule, d'abord parce que vous l'avez peut-être déjà prononcée à d'autres oreilles avant, mais du coup, je vous invite volontiers à nous emmener dans votre équipe de spéléo. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, sans doute, ça vient du fait que je ne suis pas éditrice pour rien. Je suis devenue éditrice, non pas à mon corps défendant, mais parce que finalement, je décidais de changer de voie après constat qu'il était impossible, travaillant sur la Biélorussie en France, qui plus est, en étant une femme biélorussianophone absolument surdiplômée, d'avoir un poste dans ce pays. Donc voilà, j'ai été confrontée aussi à tout un milieu dans le monde de la recherche qui se dit historien, qui se dit objectif, qui se dit extrêmement spécialisé. Le grand mot employé aujourd'hui, c'est le mot d'expert. On est expert, donc c'est pas rien. L'autoqualification. Voilà, c'est vraiment pas rien. C'est-à-dire que ce qu'on dit est parole d'évangile. Et je suis sortie de ce milieu, notamment parce que on pouvait me dire aussi que mes recherches en archives étaient du bluff par rapport à une certaine ligne idéologique qu'il fallait respecter. Enfin, je veux dire, on sait très bien que tout ça est aussi éminemment politique. Donc voilà. On ne le pensait pas parce que on connaît pas forcément ses arrière-plans, ses arrière-cuisines. Ah, c'est vrai. Moi, en fait, aujourd'hui, je le prends peut-être comme comme une évidence parce que quand on y a été confronté pendant une bonne quinzaine d'années, c'est vrai que bon, on finit par intégrer finalement ouais. voilà ces pratiques qui sont quotidiennes et puis finalement les problèmes, les contraintes qui vont avec dans son propre métier. Moi aussi, il fut un temps où je pensais, c'est d'ailleurs pour ça que je voulais devenir chercheuse, que la recherche était libre. À l'abri. Voilà, à l'abri de ces choses-là. En fait, pas du tout. C'est un monde de pouvoir, c'est un monde qui reste un monde d'hommes, c'est un monde où les questions politiques, économiques, de stratégie aussi, sont très présentes. Et donc, il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et s'il faut les taire en dépit de ce que démontrent les archives, eh bien, voilà, on isolera des gens pour que, effectivement, ces gens ne puissent pas poursuivre notamment leurs recherches. Donc moi, j'ai été obligée de bifurquer. Pardonnez-moi, mais oui. On reste encore un tout petit peu à distance dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on devine dans votre suggestion, mais si vous nous ameniez sur peut-être un endroit précis, un dossier précis qui nous permettrait peut-être de nous rendre compte, de mieux mesurer. Ah ben, très simplement, le dernier en date, voilà, puisque j'ai fini par proposer effectivement un certain nombre de candidatures. Hein. Donc la plaisanterie a duré une petite quinzaine d'années à déforester à moi seule, à peu près la moitié de la forêt amazonienne, à envoyer des dossiers de demande de poste de façon absolument vaine. Et le dernier dossier en date était un magnifique dossier, projet de recherche que j'ai présenté au CNRS. Et la réponse scientifique qu'on m'a donnée à l'époque a été que il semblait que je ne favorisais pas suffisamment les aspects positifs de la soviétisation. Voilà. Ah oui, c'est pas courtois de votre part. Non, c'était pas courtois. Ouais. Voilà. Et le bilan positif, vous n'en teniez pas compte. Donc. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que vous voulez dire après ça? C'est-à-dire que là, on est dans quelque chose qui est, on sait qu'on ne va pas pouvoir faire son métier. Enfin, vraiment. Ça a été pour moi, enfin une chose explicite finalement dans ce milieu. Il n'était pas possible donc de faire de l'histoire. Virginie Simaniec, en revanche, la Suisse vous a été d'un précieux secours. Absolument. Racontez-nous un peu ça. Absolument, parce que en fait, j'ai soutenu une thèse d'études théâtrales en 2000. Et ensuite, j'ai été invitée par une section de l'université de Lausanne, d'études slaves, et un laboratoire d'épistémologie comparée des langues affilié à cette section d'études slaves de l'université de Lausanne, à venir faire un post-doctorat en Suisse. Et c'est vrai que la Fondation National de la Recherche Suisse m'a aidé à ce moment-là, m'a financé ces recherches. C'est le Fonds National, exactement. Oui, le Fonds, absolument, et ça a été d'un grand secours, parce que ça m'a permis de, à la fois de poursuivre mes recherches pendant un temps, dans de très très bonnes conditions. Les chercheurs français, souvent, n'imaginent pas à quel point ils travaillent dans de très mauvaises conditions en France, comparé à, aux gens qui sont en Suisse, par exemple, et qui ont beaucoup plus de moyens, finalement, de faire leurs propres recherches. Et voilà, j'ai été entourée de gens qui finalement me soutenaient et j'ai pu écrire une seconde thèse à l'époque sur l'instrumentalisation politique des langues dans cette région du monde. Avec peut-être, nous le confirmerez-vous, une approche qui en Suisse, au contraire de l'Hexagone, serait moins polluée, le mot est peut-être un peu trop fort, mais par des enjeux politiques, par des lunettes politiques. Ah ben alors, c'est-à-dire qu'en Suisse, lorsque je suis arrivée, la première chose qu'on m'a dite, c'est « tu as carte blanche puisqu'on t'a choisi ». Oui, ça c'est un joli sésame, en effet. Voilà. Donc, j'avais effectivement carte blanche et la seule chose qu'on me demandait, c'était vous avez demandé qu'on vous grave ça sur marbre. Non, mais j'aurais dû. Ah, en oui, fait, voilà. J'aurais absolument dû parce que c'est une autre pensée du travail. Je ne dis pas que tout est rose. Je ne vais pas idéaliser non plus. Mais de ce point de vue-là, j'ai été très surprise de constater qu'effectivement, on me laissait faire mon travail et ce qu'on me demandait, c'était de respecter les échéances sur lesquelles je m'étais engagée. À partir de là, la discussion était ouverte. Enfin voilà, on pouvait rendre compte de son travail publiquement, les choses étaient débattues, discutées. Je n'ai jamais ressenti en Suisse les pressions que j'ai pu avoir en France d'un point de vue politique ou idéologique. Enfin, ça n'avait strictement rien à voir. Là, on n'était pas dans le même monde du tout. La Biélorussie, là où je suis allé, c'est vrai que c'est merveilleux, on dirait la Suisse. Gérard Depardieu, le 23 juillet 2015, en visite en Biélorussie, aux côtés du président Loukachenko. Jamais je pouvais imaginer, les routes sont impeccables. Il y a des très jolis étangs, des très belles maisons, une agriculture. Oh, J'ai visité une étable ce matin. C'est vraiment c'est un modèle. Des touristes espagnols au Bélarus venus suivre un match de leur équipe de foot favorite. Alors, est-ce que le pays leur a plu ? La Madrid ! Que bonito ! Muy bonito, muy bonito. Très beau, Minsk est très beau, très propre, étonnant. Ils n'ont pas beaucoup d'hôtels ni de transports, vous savez. Un manque d'infrastructures et une image peu flatteuse à l'étranger. Pas facile de faire oublier les paroles de l'ancienne secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice, qui avait qualifié le pays de « dernière dictature d'Europe ». Le président Alexandre Loukachenko ne donne pas l'impression de vouloir quitter le pouvoir après 14 ans passés à la tête du pays. La statue de Lénine se dresse toujours fièrement au centre de la capitale Minsk, mais le principal centre d'information touristique du pays n'est pas défaitiste pour autant. Bien sûr, c'est difficile parce que l'image a été créée à l'étranger par des gens qui avaient intérêt à agir comme ça. C'est difficile de changer d'image. Mais quand les gens viennent au Bélarus, ils réalisent que ce n'est pas du tout comme ce qu'ils avaient entendu chez eux. Connaissez-vous la Biélorussie ? Ce pays n'a pas connu la vague de démocratisation des pays d'Europe centrale et orientale des années 90. Elle n'a pas non plus connu la révolution orange, comme en Ukraine, dans les années 2000. Et avec la Corée du Nord, c'est sans doute l'une des dernières dictatures populaires qui a pu survivre à l'effondrement de l'URSS. La Biélorussie est en Europe orientale. Elle partage ses frontières avec la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, la Russie et l'Ukraine. Le pays fait 207 600 km², soit un peu plus du tiers de la France, et ne compte que 9,5 millions d'habitants. Et la capitale est Minsk. C'est un état de formation récente. En 1945, la Biélorussie acquiert ses frontières actuelles. La République socialiste soviétique de Biélorussie fait alors partie intégrante de l'URSS. Et avec la disparition de l'URSS en 1991, le pays accède à l'indépendance. Et depuis cette année 91, il n'y a eu que trois dirigeants. Et le dernier, Alexandre Loukachenko, ancien apparatchik soviétique, accède au pouvoir en 1994, où il se maintient depuis 21 ans. En 1995, un nouveau drapeau est adopté, s'inspirant du drapeau qu'avait la République socialiste soviétique de Biélorussie, en ayant supprimé la faucille et le marteau. En 2006, le KGB biélorusse, qui se nomme KGB d'ailleurs, déclare, hors de tout contrôle judiciaire, que, je cite, « tout manifestant sera considéré comme un terroriste et passible de la peine de mort ». Quand on regarde le classement de la liberté de la presse, établi toujours par Reporters sans frontières, on constate que sur 180 pays, la Biélorussie est classée à la 157e place. Et de fait, dans le pays, les médias sont contrôlés par l'État et la presse papier est censurée. Biélorussie, une pays assez petit, calme et très accueillant. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce que c'est vraiment la Biélorussie. Et je suis là pour changer ça. Infotrafic RTS. La prudence est de mise sur l'axe Bienne-Berne car un véhicule a perdu son chargement entre Studen et Lys Sud en direction de Berne. Virginie Simaniec, nous allons entamer donc avec vous une semaine consacré à la Biélorussie, mais plutôt que de se jeter directement dans les problématiques contemporaines, essayons de prendre un peu de recul, un peu de l'oxygène du passé, même si nous allons évoquer des périodes qui sont des périodes où les termes de censure et de violence sont souvent présentes. On va remonter à une période où la question, et c'est assez rare dans les émissions d'Histoire vivante, donc on vous remercie doublement d'être là, la question du théâtre va être au centre. Alors, on le sait pour le cinéma, concernant l'Union soviétique, mais moins pour le théâtre, que celui-ci a été, vous dites, un corollaire de la construction de l'URSS. La mission du théâtre étant un devoir d'agitation et de propagande. Ce sont des mots qui peuvent nous être familiers. Dès lors que nous atteignons un certain âge, l'agit-prop, mais cela dit, ça va pas de soi pour des oreilles plus jeunes. Alors, il faudrait peut-être faire un préalable de présentation. Comment entamer la chose ? Virginie Simaniak. Tout simplement en donnant l'une des principales caractéristiques du théâtre pour l'époque, à une époque où Facebook n'existe pas, où la télé n'existe pas. C'est vrai que moi j'ai travaillé sur des périodes qui remontent entre 1880, on va dire, et la Révolution russe et les années 30, on va baliser un petit peu cette période comme ça. C'est vrai qu'à l'époque, le théâtre est un des seuls et rares vecteurs de masse qui permet d'atteindre le plus de personnes possible et surtout qui est suffisamment mobile pour pouvoir se déplacer sur un vaste territoire. Et donc le théâtre est tout désigné comme support, effectivement, pour aller faire la propagande, entre guillemets, de la nouvelle, en l'occurrence, Union soviétique, mais pas seulement. Puisque des gens qui vont être opposés à l'Union soviétique vont l'utiliser aussi. Donc voilà, moi j'ai travaillé un petit peu sur... L'élasticité du théâtre. Voilà, pourquoi effectivement le théâtre qui certes est censé donner des textes de fiction, mais pour autant qui est très charnel, auquel on peut s'identifier de façon quasi immédiate, et par lequel on peut aussi faire œuvre de pédagogie auprès de populations qui à l'époque n'avaient pas forcément accès à l'éducation. Donc ça fait partie des champs, des fonctions en fait qui ont été attribuées au théâtre par le régime soviétique notamment, mais pas que. Oui. Virginie Simaniak, votre travail porte le titre de théâtre inégalitaire. Pourriez-vous l'expliquer ? Qu'est-ce que c'est que ce titre-là ? Alors en fait, là on fait référence à mon dernier projet de recherche justement que j'avais présenté au CNRS, où il m'avait semblé, après avoir travaillé sur l'espace de la Biélorussie en fait, qui était un espace en construction, plus ou moins mouvant, entre 1880 et on va dire 1945. Après avoir fait ce travail-là, je suis passée donc par la Suisse, par la question de l'instrumentalisation de la langue, et je suis revenue, enfin je pensais pouvoir revenir au théâtre, en balisant cette fois une zone beaucoup plus vaste, qui était la zone soviétique telle qu'elle s'était construite progressivement de la révolution d'octobre, on va dire jusqu'en 1945-47, puisque l'Union soviétique est un territoire qui s'agrandit longtemps, ça ne se crée pas en un coup. Et donc j'ai voulu effectivement me dire qu'il était possible tout d'un coup de ne pas étudier le théâtre seulement du point de vue de Moscou ou du point de vue de Minsk. Je me suis dit que pour comprendre la manière dont on avait créé culturellement cette Union soviétique, il fallait suivre la manière dont on avait développé le théâtre en Union soviétique sur l'ensemble... Fameux terme de circulation. Absolument. Mmh. Et donc, on ne va pas donner forcément les mêmes dispositions ou en tout cas les mêmes missions à un théâtre qui va se trouver à Moscou en langue russe. Et par exemple, ce théâtre-là ne va pas faire le même théâtre, on ne va pas avoir le même type de contenu, on ne va pas travailler dans la même langue exactement qu'un théâtre qui va se retrouver au fond de la Tchétchénie ou... Voilà. Et ça, c'était pour moi comment on gère une politique culturelle. Il me semblait que le théâtre pouvait servir de fil conducteur, en tout cas de point d'entrée pour constater comment la politique culturelle soviétique avait été mise en œuvre et pourquoi elle avait pu être si violente. En fait. Si on en revient aux premières années de votre axe de recherche, donc je le rappelle, fin 19e, 1880, quelle est la réalité de ce paysage ? On peut supposer que les termes même de politique culturelle n'existent pas, mais peut-être nous amènerions-nous à nuancer cette approche, car après tout, le théâtre et le pouvoir font ménage plus ou moins bon depuis quelques lustres et sous diverses latitudes. Alors qu'en est-il pour la Russie, on va dire de Tchekhov, la Russie de la fin du 19e, j'ai amené la carte postale exprès pour que vous me la mettiez en pièces et vous me rajoutez 2-3 noms. En fait, c'est une question très complexe parce que si on analyse la relation du théâtre au pouvoir, alors on doit analyser la relation du théâtre à un certain type de régime. Il va de soi que le théâtre sous l'Empire... Ça n'est pas la même chose que le théâtre dans une république telle que la République française aujourd'hui. On a un autre rapport au pouvoir. À l'époque dont on parle, c'est-à-dire mettons les années 1880, il n'y a pas d'idée que la culture doit être prise en charge par l'État. par exemple. La culture n'est surtout pas pensée comme une politique, effectivement. Elle est pensée comme quelque chose de naturel. Elle est pensée comme quelque chose d'essentiel. Voilà, donc c'est... Mais je vous fais un signe de la main en même temps. Et l'argent, il vient d'où? Il tombe du ciel? Alors, l'argent, à l'époque, en tout cas dans l'Empire, hormis pour certaines compagnies ou troupes affiliées au centre du pouvoir, certainement, effectivement, même à Minsk, le théâtre voilà, de la ville de Minsk a peut-être plus d'argent que la petite entreprise théâtrale. Mais il y a un théâtre privé qui se débrouille, qui travaille sans filet, sans sécurité. Ce sont des compagnies absolument privées. Et il est beaucoup plus difficile pour l'État d'avoir un impact réel sur le contenu de ce que montrent ces compagnies. Hormis, effectivement, faire acte de censure en amont, c'est-à-dire sur les textes autorisés à la représentation. Donc on est ailleurs, en fait. On est complètement ailleurs. À l'époque où moi, je commence à étudier cette question théâtrale, ce qu'on appelle aujourd'hui la Biélorussie, d'abord, n'existe pas. C'est très important de le dire. La langue biélorussienne telle qu'on la connaît aujourd'hui n'est pas... Elle est sous le boisseau? Non, même pas. C'est très compliqué parce qu'en fait, moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'elle n'a jamais été mise sous le boisseau, puisque pour moi, telle qu'elle a été créée justement pour qu'il y ait du théâtre, elle l'a nécessairement été avec l'aval du centre. Voilà, donc je suis un petit peu contre... Une forme d'artificialité, donc. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on crée aussi, et c'est compliqué parce que là, il faut rapprocher théâtre et questions linguistiques, hein, mais pour moi, c'est essentiel. Et c'était justement aussi une des questions que j'aurais souhaité vraiment travailler beaucoup plus en profondeur à l'échelle de l'URSS. Parce qu'avant qu'il y ait un théâtre, quelque part, dit biélorussien ou biélorusse, il faut bien qu'il y ait une langue du même nom. Oui, et donc, c'est pas évident qu'à tel endroit, mais de même que sur l'ensemble du territoire soviétique, il y a certains endroits où il n'y a pas de langue écrite. Alors en Biélorussie, on a une ancienne langue écrite, mais elle est très très polonaise encore à cette époque. Elle est pleine de mots polonais, elle est pleine de structures polonaises, de références à la culture polonaise. Et en fait, là où il y a un début de politique culturelle qui n'est pas encore extrêmement structuré, mais qui se fait sentir à partir des années 1860-1870, avec une politique un peu plus répressive à l'égard des périphéries, on va dire, de l'Empire, c'est que le pouvoir russe, selon moi, a voulu repousser à l'ouest ces éléments de polonité, a vraiment voulu créer à ces endroits qu'il venait d'acquérir en 1813-1815, vraiment de façon officielle et presque pérenne, à cet endroit-là, on ne parle pas russe, on ne parle pas polonais, on parle autre chose, c'est pas normé, et on ne peut pas encore faire du théâtre officiellement dans ce que les gens parlent, en fait. Alors, on a bien une vieille langue écrite qui s'appelle le ruthène, voilà, mais il faut construire à cet endroit quelque chose qui soit de l'ordre de la russianité russe, c'est-à-dire quelque chose qui ne soit pas polonais, justement. Alors, l'idée, c'est donc plutôt d'écarter ou de projeter, d'intégrer ceux qui n'y sont pas encore? Alors, ça se fait des deux manières. Des deux manières. À la fois par digestion, à la fois par exclusion. C'est-à-dire que toute la fin du 19e siècle... C'est bien un organisme vivant, donc. Je sais pas. Mais je pense que toute la fin du 19e siècle, en tout cas à partir des années 1860, a été terriblement violente sur ce territoire. Non seulement à l'égard des Polonais, mais aussi à l'égard des Juifs. Hein, je veux dire, on est dans un empire, hein, donc ça veut dire que les gens vivent ensemble, avec des langues différentes. C'est une région entre la mer Baltique et la mer Noire. À cet endroit, à l'époque, on peut écrire en polonais, on peut prier en slavon, on peut se retrouver près de la synagogue en yiddish. Enfin voilà, il y a toutes les langues se croisent. On peut avoir toute une partie du territoire où la langue polonaise reste la langue du pouvoir, la langue écrite, tandis que sur l'autre partie du territoire, ça sera la langue russe qui va être le symbole de la langue du pouvoir et de la langue écrite. Ce qu'on a interdit aux gens, c'est pas de parler le biélorussien tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ce qu'on a interdit aux gens, c'est d'arrêter d'écrire en alphabet latin. Et en interdisant ça, on leur a interdit finalement d'écrire en polonais. Et je pense que c'est ça, en fait. Il faut repartir de là pour comprendre comment on crée une idée de Biélorussie qui n'existe pas, en fait, à cet endroit, à l'époque. Comment on crée une idée de biélorussianité qui, d'abord, est une idée de biélorussité, c'est-à-dire qu'on veut qu'à cet endroit, les gens soient plus russes que polonais ou que juifs, puisqu'il y a aussi toute la question de l'antisémitisme qui est là. On veut, du point de vue des autorités russes de l'époque, séparer, comme on dit, le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire on veut de la russité la plus pure possible. Et en même temps, si on est dans un empire, on veut de la russité qui soit aussi inférieure à la vraie russité, que telle qu'on la pense, c'est-à-dire la russité du centre. Explicitez bien ça, effectivement, parce que plus on se rapproche du centre, en l'occurrence de Moscou, plus c'est propre, plus c'est hygiénique et plus c'est parfait, et voilà, plus on s'en éloigne, plus ça se détériore. Absolument, la langue russe est parfaite. Et ces gens qui sont à cet endroit entre la mer Baltique et la mer Noire parlent une langue qui est matinée de beaucoup d'imperfections, puisqu'on y entend des mots de polonais, des mots d'yiddish, enfin il y a des mélanges. Quelle horreur! Donc c'est une horreur. Et fait, créer du biélorusse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire créer une hiérarchie dans laquelle, en haut de la pyramide, vous aurez les grands russes et sous eux, en fait, ou dérivant d'eux, vous aurez, dans cette perspective raciologique du 19e siècle, l'idée que vous avez des petits russes, vous avez des blancs russes, vous avez des russes rouges, vous avez des russes noirs, vous avez des inférieurs de la russité. Société de caste. Absolument, et ces inférieurs-là, si vous voulez, ils sont en plus corrélés à des classes sociales, très fortement. Le Biélorussien, du point de vue de Moscou, est un paysan, même si c'est pas le cas sur le terrain. Mais on crée ces représentations-là. D'ailleurs, on dit Moscou, faudrait-il dire plutôt, concernant la fin du 19e, Saint-Pétersbourg? Écoutez, c'est un peu ambigu, parce que oui, on devrait dire Saint-Pétersbourg, et en même temps, on voit bien que le pouvoir de censure et le pouvoir politique, même avant la révolution d'octobre, quand même se déplace sur Moscou très fortement, que la censure ne vient pas nécessairement que de Saint-Pétersbourg. On a vraiment... ce qui vient de la Russie, en fait, Saint-Pétersbourg a toujours été considéré comme beaucoup plus aristocratique, entre guillemets, que Moscou. Mais Moscou, très tôt, devient une... pour les gens qui font de la culture, en tout cas, devient un point central vers lequel on va, on cherche à aller, on cherche à se faire reconnaître. Voilà, c'est... Qu'en est-il, pour rester encore pour cette première journée de rencontre avec vous, Virginie Semaniec, de la relation avec les auteurs? Les grands auteurs russes ne sont pas tous nés, loin s'en faut, qui à Moscou, qui à Saint-Pétersbourg. Donc, dans ce que vous nous indiquez là, le plan est-il fait de telle manière qu'ils n'ont d'autre alternative que de monter à la capitale, pour le dire en termes rapides, ou au contraire, certains, c'est pas forcément un « ou » d'ailleurs, c'est peut-être un « et », entendent-ils revendiquer leur appartenance à des lieux, à des cultures, et vont d'une certaine manière tenter un peu de contrer cette outrance centralisatrice? Mais ça dépend des époques. On peut pas, par exemple, dire la même chose sur ce sujet en 1813, en 1840, en 1860, en 1917. Mais avant 17, les distances sont vastes, très vastes. Par exemple, si vous êtes à Minsk, vous n'avez rien à voir avec Moscou. Tout est très loin. Ouais. Donc, mais ce qui n'empêche pas non plus forcément les gens de communiquer. Moi, j'ai trouvé quand même en archives des gens qui pouvaient être situés à Vilnius, qui pouvaient être situés à Minsk, y compris à Varsovie d'ailleurs, et qui pouvaient être en correspondance, en fait, avec des gens soit à Saint-Pétersbourg, effectivement, soit à Moscou, et qui travaillaient finalement de loin en loin ensemble, et les idées circulaient quand même. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de frontière finalement nette entre ces endroits. Il n'y en a même pas d'ailleurs entre Saint-Pétersbourg et la France, donc on ne voit pas pourquoi il y en aurait intellectuellement, au contraire, entre cette région mer Baltique, mer Noire, et des centres culturels russes reconnus. Simplement, ces gens, au 19e siècle, étaient encore très polonophones. Ça ne les empêchait pas de maîtriser parfois le russe, tout comme les Russes pouvaient maîtriser le polonais, ou de maîtriser encore une troisième langue, l'allemand ou le français. Parfois, ces gens communiquaient entre eux en allemand ou en français aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait plus que des groupes ethnique, à l'époque, on voit plus des groupes d'idées se dégager les uns des autres. Et ça, c'est intéressant, on le souligne très très peu. Il pouvait y avoir, par exemple, des Russes avec des gens plus polonophones, avec des gens de cet espace un petit peu bizarre entre les deux, qui pouvaient réfléchir à des idées comme « qu'est-ce qu'une fédération ?» ou alors « qu'est-ce que l'orthodoxie et pourquoi il faut un régime central dur ?» Donc, c'était pas forcément une question de nationalité. Virginie Semaniec, nous vous retrouverons demain pour poursuivre cette passionnante aventure et histoire, parce que elle nous permet à la fois de nous brancher en direction de la Biélorussie, que nous aborderons tout au long de la semaine, mais nous permet également d'éclairer des zones